ta ceinture. Bienvenue dans l'album. Ah, c'était roupé, rapport 1-6, facile de cartoucher. Ah, pas de qualité, freestyle à une sortie qu'on t'a pas louché. Galère, on connaît bien, c'est avec de la haine quand je pars me coucher. Mais j'ai caliente, Brenda ou pour les streaming, j'ai pas touché. Y'a plus de cannabis que près de la canapèche. On trouve le cannabis, mais garde le tour de canapé. Consommateur égaré, t'inquiète, on débat la flèche. Pour l'instant, y'a la police, donc on est à la paire. Tu veux du sac ton cas, c'est de la rime de guerre. Match la sac des games, tu mets dans le coca. Pour mes 5 dollars, quoi tu rap de gay. Que tu hard connard, le game dans le coma. Je produis, y'a pas de sentiment trop. Je te porte ma vie, mais gros, y'a des gens qui font pire. Je suis débutant, surclassé en pro. Avec les héros éveillés comme des gentils vampires. Allez hop, j'arrive en jerrycan. Tu ricanes, j'mets le feu, j'vise mon hurricane. Vitesse grand V, lancé de shuriken. Tu régales, avec les mecs dans l'ombrage, j'hurricane. C'est mérité, mérité, play. Hein? C'est mérité, mérité, play. Les problèmes viennent chez toi, même quand t'as rien commandé, mon roi. J'en fais pas trop, mon frère, je me dois de garder mon roi. Le succès traite, merde, j'ai rien demandé, mon roi. Donc, quand je t'aide, gros, faudrait surveiller mon dos. Ah, y'a les wouah wouah wouah. Mais check les gars, wouah wouah wouah. Avec mon wouah wouah wouah. Rap game, bien sûr, je wouah wouah wouah. Aïe, si tu t'as pris pour le canapé ou. Faut s'annoncer sur le bon coin. Appelle, on te bien la théo. On se coupe chez mon terre. Problème dans le moteur. La police à mon terre. Tu veux niquer mon terre. J'ai fait tomber mon tel. Soleil, niquer la selle. Pourtant, je connais le bracelet.